Aujourd'hui, on ne place plus dans les poubelles, c'est dans les valises. Ah, il est bien, bien coupé, là, pour qu'on puisse pénétrer très serré. Puis si ça ne rentre pas, ben on coupe. On coupe, pas dans le budget, là, mais écoute, la jambe, ça ne rentre plus. Ah, on va couper la jambe. Le bras, ça passe pas, on coupe la jambe. La tête, il n'y en a jamais eu de tête, lui. Un artiste. Pas un artiste, ça, c'est un colporteur. Et qu'est-ce qu'on fait avec les colporteurs? On n'ouvre pas la porte. Ça frappe souvent, les colporteurs, hein? Ça frappe, là. On regarde dans l'œil magique, là, de l'autre côté de la porte, puis on se rend compte, c'est qui, ça? Il est cravaté. Doit-on lui faire confiance? Il va nous extirper notre argent. Quoi qu'on va. Moi, je lui ouvre, j'ai pas de mot. Non, j'ai pas une. Je suis un insoumis, mais sans un sou. Donc, j'ai rien à perdre. Alors, on va discuter, on va savoir ce qu'il veut. T'ouvres la porte à cet insignifiant cravaté. Il veut te vendre des assurances. Tu te dis, pas assurable, là, regarde, l'émission ne tient presque plus. Le fil est déjanté. Et c'est pas un fil d'Ariane. On n'est pas branché en haut, on n'est plus branché en bas, on est branché de toute part. Ce qu'il nous faudrait, nous, c'est un coup de foudre. Puis qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas quasi. C'est un moment impromptu, ça, un coup de foudre. Tu te promènes, tu circules sans trop savoir pourquoi, un peu comme une poule pas de tête. Puis Gaétan, ah, moi, je connais ça, une poule pas de tête. Oui, hein, oui, monsieur, madame. Oui, les poules pas de tête. On s'y attend pas, hein? On sait pas comment ça se produit, mais enfin, on sait que c'est des nerfs. Tu coupes la. Puis là, ça court. Ah, ça court. Mais là, ça fait pas parce que ça a plus de tête. Il n'y a pas un son qui. Oui, mais il y a un battement d'aile. Un petit battement d'aile. Incohérent, puisque c'est pas vraiment réfléchi. Mais c'est pas réfléchi du tout. On appelle ça les nerfs. Un peu comme lorsque vous m'écoutez pendant 2 heures, vous prenez les nerfs. Ah, oh, mon Seigneur. Sauf que vous courez pas partout, sauf à la fin. T'sais. Ça va-tu arrêter, là, vous cherchez la radio? Voilà, la radio, il y a... Là, tu te rends compte, c'est pas... en fait, il y a pas de radio. C'est dans vos écouteurs. Là, vous savez pas comment arrêter vos écouteurs. C'est un nouveau baladeur. Là. Hey, je me balade plus avec ça, moi, là. Je suis dans l'autobus. Je suis dans mon véhicule. Je suis tranquille chez moi, puis il vient m'arracher mon intelligence, cet insignifiant personnage. Hey, 120 minutes de succion intellectuelle, ça fait mal. Hein? À un moment donné, il ne te reste plus rien, là, puis ça commence à être les cheveux qui en prennent. Les cheveux en prennent, en prends-tu? Non, c'est pas. Non, lui, c'est pas un cheveu, c'est la perruque. Ah, mon Dieu, Madame Tremblay. Ben, je lui avais demandé, hein. Quoi? De pas parler de sa perruque. Ah, OK. Alors, on parle pas de ce qui n'existe pas. Sa tête, ouais, on va pas. OK, on va le laisser aller. Hey, écoutez bien, madame. Jésus est bon, hein. Vous me l'avez dit avant de commencer l'émission. Jésus est bon. Mais moi, je vous dis qu'il expirera le 23 décembre 2012. Hein? Alors, si vous voulez vous en occuper avant, là, sinon, ben c'est partie remise. On se rencontre en haut. Mais moi, je serai pas là. Hein. Je tiens à vous le dire, voilà, en haut, les escaliers, c'est comme l'arc-en-ciel. Si tu montes l'arc-en-ciel puis tu manques un cerceau, là, tu te retrouves en bas, mais fracture du crâne, ma petite chérie, hein, les yeux à terre, la langue sur le plancher. Quoique, moi, je te conseille, là, tu sais que l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Mais moi, je différencie pas les couleurs. Je suis allé voir mon ma spécialiste du regard. Oh mon Dieu, madame le beau regard penché. Pourquoi? Elle est très, très gênée de me voir, donc elle se penche. Elle se penche, bien, le regard, OK. Et elle m'a examiné ça hier. Elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu des globes aussi glorieux. Et une intelligence quand même assez limitée. Ah, ça. Quand je lui ai dit que mon portefeuille ne l'était pas, elle m'a dit « Hey, écoutez, mon cher monsieur Gagné, j'ai toute une pléiade de belles lunettes pour vous. La lunette fumée, presque fumée, pas trop fumée. Celle-là, là, elle demande juste un paquet par jour. Un paquet de cigarettes. Elle fait fumer, puis elle fume tout seul. Puis à un moment donné, elle va tousser, ça veut dire que t'arrêtes. C'est comme un peu le nourrisson, là, lorsqu'il est bien gavé, hein, il a bien bu, il a une petite régurgite, bon, tu vas pas plus loin. Sinon, le DPJ va venir chercher ton enfant, puis là, il risque de ne plus avoir de parents. Ta lunette, c'est la même chose, hein? Fait que si tu veux qu'elle soit fumée, moi, je te conseille un 5 sur 10. Ça, c'est l'opacité du soleil. Fait que, attends un peu, là, j'ai l'air un petit peu confus. C'est, tu connais rien là-dedans dans la lunette. Fait que je tape, c'est le B à bas de la lunette, mon petit champion. Alors, c'est une lunette, c'est une monture, hein, suivie d'une genre de fenêtre. Et là, c'est la fenêtre sur le monde. Alors, moi, depuis quelque temps, je tiens à te dire que tu vois pas très bien. Alors, je peux te dire que ta vision de la population québécoise et même du monde est malheureusement disjonctée et très peu cohérente avec la réalité. Ceci est dû à ton regard. Hein? Oh, ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça. Là. Tu t'es fait avoir lors de ta première consultation. C'était pas ici. Donc, les professionnels, c'est où? C'est pas là. Non, c'est ici. Mais non, c'est pas ailleurs. C'est nous qui connaissons le regard, l'œil et la lunette. Et bon. Et donc, je vais faire une histoire courte. On a 2h15, là. On va te péter ça à 2h30. Puis, on ne te cassera même pas les lunettes. On pète le temps sans casser la lunette. On chante, ça ne casse pas la lunette. Parce qu'il n'y a pas de verre dans la lunette. Ouais, c'est 350$ le verre, là. Mais c'est un faux verre. Un faux verre. Faut voir le verre qui n'existe pas. Ouais, j'ai pas dit Flaubert. Madame, arrêtez d'associer ça à la littérature. On n'est pas éduqués, nous autres. On n'a pas de connaissances, on n'est pas intelligents, OK? Alors, je vous dis que votre regard est merveilleux. Votre globe est sublime. Votre iris est absente et votre iris absent. Comme la chanson, là, les iris absentes, c'est-à-dire que les vertus de voix, je vais au menthol, en décorant ton zip, en écoutant mon mip, et je connais pas ton nip. Mais à travers tout ça, j'ai une pléiade de belles lunettes. Alors, celle du lundi, celle du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est transparent. Comme la lentille, comme la vitre. Alors là, je vais te raconter un peu l'histoire de la lunette rapidement. OK, c'est comme une vitre, comme je te disais, une fenêtre sur le monde. Toi, ta fenêtre était un peu décalée avec la réalité, c'est tout à fait normal. Ton intelligence l'est également, donc tout va ensemble. Et moi, je te propose une belle lunette. Oh mon Dieu, c'est gossé en bois franc. Un bon bois québécois là, qui a été gossé par 2-3 petites babiches. Ben oui, je sais, c'est quoi de la babiche, ma petite? Bon, c'est du cuir de vache. On les nomme pas, les vaches, là, ils ont pas, c'est des numéros ici, hein. Ouais, faut pas, comme dit la chanson, non, je n'ai pas de nom. Hein, la chanson, là. Non, je n'ai pas de nom. Pas de frontières, non, j'ai pas de bière. Parce que là, madame, elle m'a demandé, avez-vous une bonne bière? Elle m'a vous raconter l'histoire. Ben là, j'ai de la bière d'épinette, moi, là. J'ai de la bière de Sauvelaki. Avez-vous déjà connu... la ville de Sovlaki? Ouais, non, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fermé leurs portes. La Sovlaki n'existe plus. Ils ont tout barré. C'était pas... On voulait pas. Les informations, non. Bon, voilà. Mais par contre, hey, j'ai une bière québécoise qui s'appelle la Brasse Camarade. Oh mon Dieu. Et puis, ce qui est extraordinaire, là, c'est on demande la publicité, là, c'est prenez une photo. C'est-à-dire, vous prenez votre bière, vous la brassez, vous l'ouvrez, puis vous prenez la photo. L'insignifiant qui va recevoir ça sur lui, vous êtes assez crétin, imbécile. Ils vont le faire, c'est écrit. Ils vont dire, hey, gars, c'est vrai, c'est écrit. Brasser la bière. Ben oui, mais là, si t'as brasse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire d'un bon goût dans la bouche. Ben oui, mais il n'y en aura plus dans la bouteille. Ben, c'est indiqué, hein? Entre parenthèses, ceci n'est pas une blague. C'est pas une blague. Ben non. Regarde en arrière de la bouteille. C'est ta face, puis il dit c'est un imbécile avec deux flèches. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Laisse faire, il va voter. Mais hey, on laisse que le vote, on laisse cet individu-là voter! Enlevez-lui sa permission, oui, après ça, ça va faire des manifestations pour dire non, on veut plus, on veut plus. Mais voilà. Pas possible. Alors là, moi j'ai choisi, c'est vrai, on est rendu dans la lunetterie, excusez-moi. Ben oui, le mieux c'est de barrer la porte, hein, comme ça l'improvisation va rester là-dedans. Hein? Fermez des portes, ouvrez pas de fenêtre. Oh, oui. Et là, elle m'a dit, mon petit champion, toi, tu as l'œil radiophonique. Là, j'ai pas trop compris. Mais madame, excusez-moi, là, je ne vais pas mettre en cause votre grande intelligence. Vous avez une formation universitaire. Vous avez deux bacs, un bac bleu puis un bac vert. Bientôt un bac brun. De quoi? C'est pourquoi? C'est pour le compost. Bon, oh mon Dieu. Ça crée. Hein, oui, ça dégouline. Excusez-moi pour votre radio, madame épongée, là, sur une petite surface. Là. Oh, c'est de la bave rénaldienne, il n'y a rien de bon. Ça fait un petit ciré, c'est tout beau. Bon. Là, si votre radio glisse, c'est normal. Ou c'est très, très ciré, hein? C'est la broue qui fait bon. Je sais que c'est dégueulasse. Merci. Ah, de quoi tu parlais, ma belle l'histoire? Eh bien, c'est ben, c'est ça, hein? Gaétan! Ma couliche! Couliche, es-tu là? Non. Bon, il n'y a pas de couliche. On appelle! C'est bizarre, hein? On place tout le monde avant l'émission de radio, hein? Il y a la brasseuse de D. Il y a la couliche, mais la couliche est partie. La couliche. On paye ça, cette affaire-là, là, puis ça reste même pas en place. On va l'enchaîner, mais malheureusement, il y a les normes de la personne, les droits de la personne. Ils vont dire, hey, on enchaîne du monde pour faire de la radio. Ben voyons, bouge pas d'être là, tu restes 2 heures accroupi. On t'a sorti du trou pour ta. Hein? Bon. Oui, puis te remettre dans un autre trou, mais c'est un trou avec de l'espace. T'as de l'oxygène. T'as 2 bouteilles d'eau. T'as une petite toilette privée, là. Bon. Ben, c'est une bouteille, là. Mais écoute, c'est mieux qu'à rien. Oui, il y a quelques acariens également, là. Mais bon, elle est allergique. Je pense qu'elle est aussi allergique à la vie, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, les lunettes, les. Oui, c'est ça, le regard. Puis elle m'a dit que j'avais un regard radiophonique. Elle dit, c'est intéressant, là. Comment ça, c'est que je fais de la radio? Elle vous avait une voix tellement désagréable. Ah, oh, mon Dieu, vous devez avoir une émission anarchiste, pamphlétaire, libertaire. Oh! À une radio très prisée. Hey, là, j'ai dit, madame, attends. Maintenant, excusez-moi, j'ai mes allergies, hein. Regardez mes yeux. Voyez-vous des champignons allergiques à l'intérieur de. Bon. Vous avez des gouttes pour ça? Faut que je mette ça dans le réfrigérateur. Oui, mais ça va être froid. Ça fait bizarre, hein? Hey! Ça fini. C'est fini. Ouais. OK. Alors, l'œil radiophonique, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Donc, l'œil radiophonique, le couliche! T'es-tu là, ma couliche? Non. Comment tu veux continuer une mission de même? Pas de couliche? Pas de suivi? Moi, je pars, là. Je sais pas quand je reviens, puis j'ai pas le fil, moi, là. Le conducteur dérape constamment, là. Le chemin est nébuleux, ma pensée également, et je susurre une impression d'escroquerie. Parce que là, si je récapitule devant tout le monde, oreille radiophonique, mais ça ne vient pas. OK, on va enchaîner, puis on s'excuse infiniment auprès de... On apprend... Ah oui, c'est ça. Je tiens à le dire, madame... On n'apprend pas un vieux singe à faire des bananes. Banane. Ben ça, il n'y a pas d'écho comme du monde. Ça, c'est pas la banane. Madame, apprend. OK, on apprend à faire de la banane. Eh, madame, banane. Oui. OK. Ah, c'est beau, ça. Parfois, on la reconnaît. On n'apprend pas un vieux... OK, on le sait. Bon. L'absurde aventure de... Oui, mais moi, il faut que ça rentre. Faut que ça... Hein? C'est comme à l'école. Faut répéter. Un et un font deux. Un et un font deux. Un et... À un moment donné, ça sort de l'école. On appelle ça de l'endoctrinement. Hein? Votez errance rénaldienne. Votez errance rénaldienne. Mais il n'y a pas de concours, fait que votez rien. Ils ont tout aboli les concours. On les gagnait un après l'autre. Hey. L'émission la moins intéressante est Race Rénaldienne. La musique la plus Race Rénaldienne. L'animateur le moins Rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné, la seule émission. Ou l'animateur, c'est-à-dire... monsieur, est-ce qu'on peut... Non. OK. Se veut sous la pipée... Monsieur, mon la vie est à l'envers. Fini, c'est la chaude à l'hiver. Fini, boudu, l'amour est même morte. Fini, foutu, la vie est à l'envers. Fini, parti, partout, tout, tout, tout. Ouais. Elle peut pas arrêter, elle. Non. Là, c'est pas un vrai bras. C'est électronique. Faut frapper sur le machin. Puis si tu frappes sur le machin, tu vas me frapper parce que je tiens le machin. C'est Madame Machin sur la machine. C'est Madame Machine qui tient le machin. C'est un bras mécanique qui me ressemble. Elle qui branlait, moi qui la cherchais. Elle pensait que j'allais le dire, hein? Et... Non, c'est parce que pour les enfants qui nous écoutent. Et parce que c'est téléchargeable, on peut pas dire n'importe quoi. C'est rechargeable. Non, c'est... Et le... vous faites ce que vous voulez avec cette émission-là, là, hein? Moi, je vous conseille 350 au four, pas d'oignons. Et la vie... Parce que ça fait pleurer. Et la vie efface... Efface-toi! Tout doucement, la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur qui s'amuse. Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est bien parti, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. On en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, le vendredi 3 août, c'est moi qui le dis, hein, c'est des meilleurs. Pour vous, c'est peut-être les pires. Alors, vous le saurez jamais. On censure ça, nous autres, hein? Qui s'en censure, c'est l'encensoir. Mais ce soir, c'est l'encensé. C'est insensé, c'est ça. Plus c'est insensé, hein, oui. L'incendie est censé débuter, depuis minuit. Voyez-vous des flammes? Oh, mon Dieu! Tirez des verres d'eau. Si vous n'avez pas des verres d'eau, tirez de l'humidité. Si vous n'avez pas d'humidité, tirez-vous dans le feu. Aujourd'hui, le vendredi, qu'est-ce que tu dis? Rien. Comme tout à rien, je dis rien. 3 août 2012. L'errance, les errances rénaldiennes. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à la saveur de miel et de rosée. Oh, c'est bon. Allez, vas-y, ma chinette. On y va. Une petite rapide, OK? Au moins. Qui me quitte avec la levée du jour. Oh. Et qui me laisse dans l'espoir de retour. Pourquoi ne pas perdurer ce matin jusqu'à demain. Je t'offrirai. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? des croissants de soleil. Des croissants de soleil pour déjeuner. Aujourd'hui, le vendredi 3 août 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. À la galette rosée. Oh! Là, il y a comme une communication. Attendez. Donc. Alors, attendez. Parce que je voulais faire avant-terrain. C'est le monteur qui monte mal, c'est la danseuse qui danse mal, c'est l'animateur qui animal d'hectare, ah mon Dieu, qui animal, toi qui es un animal, on dit des amis, bonjour mes amis. Alors, je laisse ça, OK. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sophie. Sophie, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix? De celle sur laquelle un diamant s'est posé pour l'érailler avec classe. En juillet 2011, CKRL et Errance Rénaldienne se trouvaient à Paris avec cette demoiselle. Un voyage chargé. On va réentendre, mademoiselle, la chanson. Je t'offre un T'es heureuse, je sais. Tout le monde est heureux. Alors, en juillet 2011, Errance Rénaldienne se trouva à Paris, et CKRL, bien sûr, avec cette demoiselle. Un voyage chargé pour cette nuit presque estivale. Non, estivale. On estime qu'elle est estivale. Alors, faut-il s'arrêter ici? Oui, et laissons la musique nous enchanter! Thank you. Et puis voilà, s'il y a peut-être un deuxième titre, c'est The Man in a Million. Okay. Parce qu'il y a un côté très rhythm and blues dessus aussi, un petit peu. Je voulais ce titre arrangé de manière à ce qu'il soit un peu le pendant de With a Little Help from My Friend, la version de Joe Cocker. Côté très rhythm and blues comme ça, avec les chœurs qui envoient. Et la voix qui part et qui déchire tout. Et puis la version d'Aretha Franklin de Suspect. You make me feel like a natural ouais. woman. Ouais. Ouais. Donc c'est voilà, c'était les deux. Ces deux titres-là m'ont amené à l'écriture, surtout à l'arrangement, où j'entendais ça comme ça, les trucs qui rentrent et qui. Ouais. Mais toi, c'est la musique avant et les mots après. Hein. Tu aimes bien voir la mélodie pour après ça. Ouais, rajouter. C'est un peu mêlé à vrai dire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à écrire les musiques que les textes. C'est pour ça que je m'entoure d'auteurs. Mais souvent, si j'ai l'idée d'une musique et d'un texte, je vais avoir le truc catchy du départ, c'est-à-dire le titre, par exemple. Ah, ok, tu fonctionnes au titre. Voilà, c'est presque un truc de dire, tiens, voilà, là, j'ai écrit un nouveau titre, ça s'appelle Crush on You. Bon, c'est parti, hein, Crush on You, Crush on You, Crush on You. Hein. Et après, c'est du brodage, quoi. Tu dis, alors pourquoi Crush on You? Alors pourquoi on peut craquer sur quelqu'un? Pourquoi ci, pourquoi ça? Quelle est l'histoire de cette femme qui a craqué sur quelque chose ou sur quelqu'un? Ouais, ouais. Voilà, et après, c'est du brodage, quoi. Mais il me faut la mélodie. Une fois que j'ai l'idée directe, c'est la mélodie qui guide beaucoup. Hein. Je suis musicienne avant tout, je crois. I'm moving on, and from on. la gloriole, quand le panache et Terouane faisaient par le mariole le long du chemin de croix qui menait à l'échafaud le monde des aristos. Et un bourbon pour le 16, car le soleil se levait, beaucoup trop rouge au 14 juillet. 14 juillet. La particule trahissait la particule. Les ci-devant que l'on emprisonnait. La particule trahissait les ci-devant que l'on emprisonnait. Elle emballe, je m'emballe. Au pays de la révolte, le peuple était ulcéré. Des détours et virevoltes d'un monarque périmé. Il plantait le long des grilles le cou des fils de famille. Et Danton qui perd la tête, la guillotine dressait son profil rouge au 14 juillet. Et la charrette transportait les ci-devant que l'on décapitait. Et la charrette transportait les ci-devant que l'on décapitait. Décapitant le vent. Au pays de la victoire, dans le triomphe éclatant, des chansons de vers à boire, le vin remplaçait le sang. La République se sacre par un beau jeu de massacre. Vous descendez la prochaine, un jour nouveau commençait. Bleu, blanc et rouge au 14 juillet. Et la cocarde fleurissait. La liberté que l'on applaudissait. Oh bravo, hein. Et la cocarde fleurissait. La liberté que l'on applaudissait. Dansons la carmagnole, car au son du clairon, à se casser la gueule, est morte une nation. Et c'est la nation québécoise là, qui est vue de partout sur la planète. Et bravo, bravo, bravo, bravo. Monsieur Gagné, vous avez une sortie radiophonique? Ben, une sortie, c'est incroyable. Nous laissons nos auditeurs nous appeler à notre boîte vocale. Et il y a des hurluberlus qui sont même pas membres de CKRL, qui n'écoutent même pas les rentrées canadiennes, mais les amis des amis ont dit hey, « pour faire rigolo, remplis ces boîtes vocales! » Je tiens à dire que ce n'est pas pour les enfants d'école, ces boîtes vocales-là. C'est pour faire parler ceux qui ont quelque chose à dire. Si vous avez rien à dire, ben parlez à votre oiseau, parlez à votre femme, à votre mari, à vos enfants, mais s'il vous plaît, ne chargez pas nos boîtes vocales de vos insignifiances. Moi, là, je suis obligé de me lever en pleine nuit pour vider mes boîtes vocales pour que vous puissiez, public en délire, communiquer avec moi. C'est le seul but de cette extravagance radiophonique de nous appeler à nos boîtes vocales. Nous avons ici quelques... comment c'est? Florilège. Merci, hey, merci madame. Ben, moi, ça vient tout seul. Ah, ouais, vous êtes une poétesse, vous, hein? Ben, non, je suis de Lévis. Des Lévis. La Rive-Sud. C'est pour ça que vous êtes ensoleillé. Lévis, Rive-Sud. Ça ne dit rien à personne. Bon, vous non plus. Un plus un, ça fait. OK. Alors, nous avons un florilège que nous avons mixé et que nous vous proposons ici à Errance Canadienne. Alors, vite des boîtes vocales. Oui, vas-y, vas-y. Monsieur Grenier, votre émission est tout à fait bouleversante. Bravo. Mais c'est une escroquerie. J'ai payé moi, pour être membre à ce CKRL. Je trouve que cette émission-là n'a pas d'âme. Je trouve. À travers tous mes livres de chevet, mes disques de chevet, mes DVD de chevet, j'ai mon émission de chevet, Errance Rinaldienne. Bravos et bravos et bravos. Que d'oiseaux dans votre tête. Félicitations. Eh bien voilà, merci à mon ami Réjean qui a fait une compilation de nos boîtes vocales. Continuez à nous appeler. Le numéro est très simple, c'est 43 17 77 80. OK, alors appelez-nous avec toute la ferveur et surtout l'intelligence que vous avez, puisque vous nous entendez. Vous avez des oreilles, puisque vous avez une bouche pour rire, continuez à colporter la bonne nouvelle. c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, c'est celle-là, là. C'est pas une mauvaise. Oh, hey, c'est bon, ça, hein? Ben oui, si c'est pas mauvais, c'est bon. Moi, je te dis que ta sauce à béchamel, ma chérie, c'est la meilleure sauce au monde. C'est la meilleure. Donc, c'est pas la pire. Oui, mais avant, l'autre béchamel que je goûterai et qui ira plus loin que la tienne. Mais pour le moment, c'est celle que je viens de goûter parce que tu es ma chérie d'amour. Oh! Ma chérie d'amour! Hey, oui, j'ai ici un sac de démarrage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pendant le Radioton. Au mois d'avril, c'était au mois d'avril le Radioton, janvier, février, mars, avril, oui, je crois, avril, début avril, j'ai eu cette idée extraordinaire, faut pas dire fabuleuse, c'est quoi, non, faut pas qu'on le dira pas, et de prendre un sac brun, papier brun, sac brun, papier brun, et d'entrer des phrases qui me titillerait pour me lancer dans quelque chose, dans une improvisation. Alors, j'ai pris au hasard « Rouge comme l'artichaut ». Ah, oh, j'ai déjà fait celle-là, hein, rouge comme l'artichaut. Puis le rouge, aujourd'hui, au Québec, c'est autre chose. Bon, OK, alors on va l'enlever. Je l'ai jeté et je ne le reprendrai plus. Et c'est l'autre improvisation. On a de la misère à démarrer, hein? Oh, mon Dieu. Observe le néant. Quand même assez compliqué, là, d'observer le néant, là. De quel point de vue dois-je m'installer pour contempler l'infini rien? Hein? Dans l'infini, il y a ce qui est indéfini. Quand c'est pas indéfini, ben c'est un néant. Et quand c'est un néant, ben c'est une vaste prairie entourée de rien. Regarder rien, c'est comme ne penser à rien. Réfléchir à rien penser, non, parce que dans un miroir, lorsque tu te vois, bon, ça réfléchit, mais penser à rien, pas encore une pensée. Non, est-ce que c'est penser ou réfléchir? Dans ton cas, c'est aucun des deux, mais peut-être, oui. Non, il n'y a pas de peut-être. Si je... Oui, tu l'as coupé, madame? On coupe tout. Ah, oh, le budget est limité, comme de... Oui, OK. Mais, non, je l'arrête ici. Je l'arrête ici comme ça. Sinon, elle peut être méchante. Et si elle est méchante, je reviendrai contre elle. Puis elle sait qu'elle est sur le point de prendre la porte. Quoiqu'elle a déjà pris à pogner, on a de la difficulté à sortir et on est obligé de prendre un tournevis pour ouvrir cette plaque métallique. Comment c'est une plaque métallique? Oui, c'est rendu une porte. On n'avait plus de bois, on a mis des métaux. Pas des méthanes, là, la grenouille, mais des métaux, des petits métaux. Des petits métaux un peu partout, et pour en faire comme une porte. C'est art déco, art moderne. C'est comme la danse moderne, là. Ça se démodera jamais, puis c'est tellement extravagant que ça va surprendre jusqu'à la fin des jours. Là. Puis la fin des jours, ben, ça se trouve être dans 3 jours. Hein? La fin des jours, ben là, la fin de ton jour, la fin de ce jour, ben c'est le début. C'est le début d'un temps nouveau. Ben, hey, t'as entièrement raison. À 1h du matin, c'est la première heure d'une journée nouvelle. Ça fait 50 minutes que c'est nouveau. C'est-tu beau quand c'est nouveau, hein? Quand un bébé naît, quand on le voit naître, quand il fait ses premiers pleurs, tu vas dire, hey, t'as pas fini de pleurer, mon petit champion, t'as pas fini de pleurer. Fait que, regarde, verse une bonne goutte, là, tu vas avoir broyé pendant au moins jusqu'à 15 ans. Là, les filles vont rire de toi, puis tu vas encore pleurer. Puis là, tu vas venir voir ton vieux père, tu vas dire, hey, pas père, comment ça? Ben, sais-tu, moi non plus, je comprends pas. C'est une zone inexpliquée, les femmes, mon petit champion. Mais continue à pleurer, on va pleurer ensemble. Là. Un grand cercle d'hommes qui braillent. On n'a pas compris. On sait que la société balzacienne, tout tourne autour de la femme. Et notre tête tourne, nous, les hommes. Ah ouais, mon lieu Saint-Glésias. Continue à broyer, mon champion. T'as pas fini de broyer. C'est comme ça, la vie. On mange puis on remange notre misère jusqu'à la fin de nos jours. Mais regarde, jusqu'à une vitame Popperman. Oh! Et quand la Popperman est trop forte, on avale quand même. On pleure des yeux, on larmoie, puis on se cache pour verser des larmes. Là, ici, ben, c'est tragique. Non, c'est triste. Oh. Quand c'est triste, c'est pas tragique. Ben, ça dépend. Ça dépend. Là, ici, comme là, actuellement, c'est presque très... C'est mélodramatique. Et quand c'est mélo, c'est très mielleux. Quand c'est mielleux, c'est moche-molo. Quand c'est moche-molo, c'est mou. L'émission, là, pendant quelques secondes, est devenue comme mollasque. Hein? Ça dégoulinait partout. C'était une déconfiture complète. On sentait presque le splash. Hein? Quand on amène ça en image, hein? C'est une radio imagée, c'est KRL. On lui donne un morceau de robot, bravo! C'est la radio du jour actuellement, là. En ce 3, là, le 3 fait le mois. Et le 3 fait ta radio. Ah! 89.1. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Okay. Ah, j'avais avais-je choisi ma feuille avant de... Non, OK, on y va. Je tremblote comme une remise de prix dans un grand galas. Et ce galas va vous lire la feuille. La phrase. Est-ce que c'est la phrase ou le titre? Non, c'est la phrase avant, le titre après. Ça fait 25 ans que tu fais ça. Oh, je m'en souviens jamais. Voilà. Ce qui fait le charme de cette émission-là, c'est qu'on s'en souvient jamais. Puis, hey, en plus, ton ventilo ne ventile pas dans le bon sens. Est-ce qu'on peut retirer, fermer la bouche pendant... Oh, vas-y. C'est bon, là. Oh, je sens la brise. Oh. Je me sens un peu comme au bord de la mer. M-E-R, là, pas M-E-R-E, parce que là, le bébé vient de naître, il pleure à gros bouillon, comme disait Jacques Brel. Et on va lancer, voici avec la phrase de Jacques Brel, là, parce que la chanson va nous turluter dans la concubine. OK. Alors, la chance était en baisse et le talent s'était barré. Là, c'est la dernière fois que je vais la faire, celle-là, parce que je sais que c'est redondant, là. Mais l'improvisation n'est jamais la même. On peut prendre la phrase 50 000 fois dans 18 millions, comment? 18 à l'infini, 18 553 854 fois, puis ça sera jamais la même chose. Juste le fait de le dire, là, on peut se tromper n'importe quoi. On peut se la casser, la baboune, la babiche, la babette. On l'a dit babiche. Oui, la babette. On se la cassera pas ce soir parce que c'est la meilleure émission en ville. Ah, mon Dieu, arrête, la tête morte. Oh, ah ouais, ma mongole fière. Vas-y, ma mongole. La chance était en baisse et le talent s'était barré. Et voilà la preuve. Hein? On dit-tu des vraies vérités, là? Puis plus elle se barrait, puis moins elle voulait revenir. Comme la chanson d'Alain Bachung, « Reviens, va-t'en ». Là, on voulait que ça repasse ici. Fait qu'on a comme trafiqué, on a trafiqué la route. On a travaillé fort, là. Vous vous souvenez quand on était, ouais, bon, on faisait des chemins de fer en plastique. Avec des trains en plastique. On faisait des chemins en plastique. On pouvait faire ce qu'on voulait comme circuit, hein? Des demi-cercles, des ronds, des angles droits. Puis on pouvait modifier comme on voulait le circuit. C'est ça qu'on va faire, là. OK? Attention. Tassez-vous. Enlevez les chaises, Mme Thibodeau, puis votre table, là. Le petit jambon, non, pas votre mari, là. Lui, c'est le gros jambon. Lui. Ah, table. Non, mais faites bouger la bière, il va bouger avec. C'est un aimant de la bière. Ouais, il vous trompe avec sa bouteille. Mais faites-vous-en pas, il ne le porte qu'à la bouche. Puis il vous la porte. Oh mon, hey, on apprend-tu des enfants? Aimez-vous ça? Ben, c'est bidirectionnel, hein? C'est-à-dire qu'à votre bouche et à sa bouche. À vos lèvres? Ah. OK. Bon, faites. Coupez ça. On l'a pas entendu. OK, coupez. On continue, mais... Bon, OK. Alors, on y va. On va faire bouger. Excusez-moi. Arrêtez de me raconter votre vie sexe. C'est pas... OK. Vous trompez à bonne... Oui, OK. Madame, hey, on va mettre de la musique parce qu'elle n'arrête pas. Là. Puis en plus, on n'a pas le son. OK. Tout est ça. Merci. Merci. Baillonnez-les. OK. Cachez-les dans le fond. Bon. Bravo. Parce que là, si la caméra capte ça, ils vont dire que... OK. Bravo. Alors là, comme ça, on va placer tous les circuits comme l'on veut, OK, pour qu'ils reviennent vers nous. C'est comme ça, c'est merveilleux. OK, le train est parti. C'est à pile, à batterie. Oui, on n'a pas beaucoup de budget, donc on a mis des faux... ben, des batteries très basses, là, puis c'était, comment t'appelles ça, donc, qui rechargeable. Mais là, elles se sont déchargées depuis le temps que je parle. Hein, ça décharge vite, ça, là. C'est pas des almalines. Ils sont pas très malines. Ah, oh, mon, non. Puis en plus, il faudrait que je vous le dise juste à vous, là. C'est des alcooliques. C'est des piles alcooliques, mais ils ont arrêté, là, puis ils reprennent souvent. Fait que c'est des AA, alcooliques anonymes. Là, on peut nommer les noms des piles parce que, non, c'est anonyme. OK, on va pas, on va observer l'anonymat. C'est comme Anonymous, hein? Tu peux parler masqué, puis c'est même si ça sent. Oui. Ben, quand on a peur, on se masque. C'est normal. Quand on a. Oui, nos opinions, bon. Quand on est capable de dire nos opinions, on la présente sur la place publique. Bon, voilà, bravo. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein? Oui. OK. Alors, c'est ça. Comme ça, oui. C'est merveilleux, le train arrive! Mieux gagner sa vie de misérable occidental pour lui c'est banal, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, mais ça il s'en cale. Il voudrait mieux gagner sa vie de misérable occidental pour lui c'est banal, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, mais ça il s'en cale. J'avais des filles à mes côtés qui seront vers les miches. Je posséderai des bateaux sur tous les océans. J'achèterai des hôtels et je ferai des placements. C'est pas plus dur la vie comme au Monopoly. Jouer avec mon destin ou je changerai de vie. Il vaudrait mieux gagner sa vie de misérable occidental. Pour lui c'est banal, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, mais ça ils s'en calent. Il vaudrait mieux gagner sa vie. Le misérable occidental, pour lui c'est banal, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, mais ça ils s'en calent. À des centaines d'ouvriers je gâche la vie. Moi j'en ai rien à taper, c'est le dernier de mes soucis. Mais moi je fais des dons parce que ça fait bien. Le profit est bon, je fais pas ça pour rien. Sans aucune motivation, j'accomplis ma bonne action. Béa, bonne affaire, sous le dos de la misère. Et derrière tout ça, je suis bien aussi sympa. Il voudrait mieux gagner sa vie de misérable occidental, pour lui c'est banal, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, mais ça il s'en cale. Il voudrait mieux gagner sa vie de misérable occidental, de misérable occidental, alors que dans tous les pays il y en a qui ont la dalle, il y en a qui ont. Est-ce que le public, est-ce que tu invites le public à participer, à frapper les mains, à chanter? Moi, j'ai besoin des gens. J'ai besoin des gens. Tu veux créer l'ambiance? Ouais. C'est pas que je veux créer l'ambiance, c'est que j'ai besoin d'un retour des gens. J'ai jamais autant kiffé de voir des artistes sur scène qui ont cette générosité et qui savent donner. Du coup, ça devient naturel que les gens se mettent à faire des bons et. Ce qui m'emmerde le plus, c'est les gens qui sont dans leur coquille et qui font un truc super léché, super propre, où tu vas le lendemain, c'est exactement le même spectacle, la virgule. Après le rappel, ça emmerde dans leur limousine. Ça m'emmerde, ça m'emmerde. Je dis, mais quelle tristesse, on a acheté l'album. Ouais. Ou alors, c'est un manque de respect. Tu sais, t'as certains artistes, ils ont fait un album, ou 2, ou 10, ou 20, ou 100, et puis les titres n'évoluent jamais. Tu dis, mais une musique, c'est vivant. Ouais. C'est fait pour être modifié, c'est pour mais être oui, mis c'est au ça bout du jour. Ce qui est sympa, quoi. Enfin, moi, je suis incapable de jouer deux fois la même chose, bien sûr que si, mais tu peux pas interpréter les choses deux fois de la même manière. C'est non. Pas possible, quoi. Et je sais que les plages de solo, de choses comme ça, parce que j'ai besoin que les musiciens s'expriment aussi, pour moi c'est primordial. J'ai besoin de les présenter, j'ai besoin de cette connivence avec eux. Cet osmose. Ouais. Parce que c'est important, et quand tu es en live, tu as besoin, enfin moi j'ai besoin qu'ils soient en avant, qu'il y ait un chorus de guitare, le mec il va devant, il va chercher les gens, quoi, tu vois. Mais toi, c'est un guitar héros pour... Oui, c'est ça, on y va. Tu vois, pendant 5 minutes, 2 minutes, il faut qu'il aille, quoi. Et le batteur c'est pareil, et le bassiste, j'aime ça. Quoi. Alors mais toi tu es pour l'improvisation, c'est-à-dire que tu as quelque chose de préparé, mais en même temps on peut s'oxygéner à travers ça. C'est-à-dire qu'il y a un squelette. On ne dit pas que la vie est vraiment facile, mais ton esprit peut la rendre beaucoup plus docile. Juste une quête de spiritualité et d'une religion devant la vie. Pour compter de nos jours, tout le monde se plaint de la misère. Regarde un peu les conditions de vie de ta grand-mère. Elles étaient jeunes et ont vécu la guerre. Alors avant de se plaindre, faudrait pas trop abuser. Toute situation est à relativiser. Juste le plaisir d'entendre chauffer le grille-pain, c'est plus que du bonheur. En bar chocolaté, on cite pas de marque, on voudrait pas se faire engueuler. Toi-même qui te les ai fixés, dis-toi quand même que c'est toi qui l'as décidé toutes ces contraintes. C'est toi-même qui te les ai fixés, dis-toi quand même que c'est toi qui l'as décidé toutes ces contraintes. C'est toi-même qui te les ai fixés, dis-toi quand même que c'est toi qui l'as décidé toutes ces contraintes. C'est toi-même qui te les ai fixés. Alors garde tes...

je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajan, il dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Zazou, je suis Zazou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Zazou, il est Zazou. Il y a des Zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand je me les douche on chantera comme ça. Voilà tout de la fin, c'est magistral. Comment? C'est magistral. Non, c'est astral. Oh, OK, c'est l'astrologie. Pas vraiment. Cette semaine, là, lâche-moi l'astro. Ça bourdonne dans l'estomac. Non, c'est les piqûres de Zazou. Cette semaine, c'est... comment tu les appelles, les Zazou? C'est les Zazou. Non, Les oies pontificaux, ça n'a rien à voir non plus. Cette semaine, et ça, jusqu'au épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons. Qu'est-ce qu'il dit là? On sait pas. Et poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Plaçons en garde à vue aujourd'hui le mot ou le verbe. Alors, le mot ou le verbe, c'est ça. On attend le mot ou le verbe si ça pourrait descendre. On l'a envoyé dans mon golfière. Puis, on lui a dit, elle descend là, enlève la... Comment tu s'appelles donc? Je sais pas comment j'appelle ça. Moi, dans l'univers de la montgolfière, je ne connais que la fierté. Et puis, est-ce que vous remarquez là-dedans? Moi, c'est ce qui me fascine. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Il va le raconter. Oui, oui. Ce qui me fascine, là... C'est que tu lui dis, hey, t'es beau, t'es grand, t'es généreux. Puis là, il monte, c'est un Mongol fier. Non, c'est une Mongole. Ah, tu lui dis, ah, t'es belle, t'es douce, t'es amoureuse, t'es câline. Puis là, elle monte. Est-ce que tu peux la descendre? Oui, s'il vous plaît, descends-la. Oh, on peut pas. Ben, voyons donc, toi, comment. Est-ce qu'on. Ah, on peut pas. En début d'émission, ça fonctionnait bien. Puis là, je sais pas, là. On est en cours. Enfin, en cours, on n'a pas d'école, là. Mais en cours d'exécution, c'est ça que je veux dire. On s'exécute. On va se faire exécuter. Je te le dis, moi, c'est la fin. La guillotine. Sandrine, non, enlève pas la. Bon, c'est ça. La lame est levée. Le poteau est dressé. La tête sera tranchée dans quelques minutes. Pourquoi? À cause de la montgolfière, là. Tu veux pas descendre le mot, là. Pourquoi? Parce que l'autre arrête pas de la chauffer, là. Puis elle met de l'hélium. Il y a trop de délai dans l'hélium, là. Dilue, Gustave, dilue. Il connaît, il est même trop haut, comment il peut m'entendre? Dilue. Puis là, il pense, il connaît. Dis-lui qui? Dis-lui rien. Faut rien y dire, là, mais dis-lui, coupe. Coupe, mets autre chose. Remplace par. Dilue, c'est remplace par. Par qui? Par l'air. OK. Enlève l'hélium, mets l'air. Ça m'a l'air que mets l'air. Non, hey, enlève les. Coupe le feu. Ils connaissent pas ça. C'est des incapables. C'est ça. Incapable égale incapable. C'est infini, l'incapacité. Hein? Intellectuelle, l'incapacité moteur. Quoi qu'il n'y a pas de moteur, c'est l'hélium, l'hélium. C'est ça, arrête l'hélium. Les valium aussi, tiens, coupe tout ça, toi, là. Eh, regarde-moi ça. Il monte bien, il y a un montgolfière. Pète-moi ça, là. C'est un abcès, c'est du pu. C'est pas de l'intelligence, ça, là. C'est de la musculosité. C'est dégueulasse, ça fait peur, ça fait mal. Surtout quand tu pètes, hein. Il faut s'enlever du champ parce que ça peut brûler. C'est comme, je parlais tout à l'heure d'une batterie qui coule. C'est acide. Puis lui, il y en a de l'acide, crois-moi. Et quand il se mouche, là, le petit mouchoir, dans le noir, pleure. Ah, ça pleure, ce mouchoir-là. Fait que là, il a besoin d'un autre mouchoir pour se faire éponger. Fait que son 3-4 mouchoirs essayaient de consoler le mouchoir qui, lui, a malheureusement emmagasiné de l'acide. Parce que l'autre coule. J'ai pas dit l'eau coule, l'autre coule. Ah, mon Dieu, arrêtons d'entendre, on s'en va dans le sous-sol. Oh, après ça, ils vont dire, ben oui, la nerf frénastique, l'élastique, elle va péter. Puis ça pète l'élastique, la frénastique en dessous de la console. C'est quoi? C'est l'air primaire? Non, c'est non, c'est secondaire, là. OK, ben oui, c'est toujours secondaire avec toi. C'est jamais sérieux. Ah, oh, ben écoute, c'est effectivement quelque chose de pas très important. C'est secondaire, ben oui. Et quand tu étais à l'école, là, le secondaire, c'est important pour aller au cégep. Puis après, aller à l'université pour apprendre des belles choses, là. On apprend quoi à l'université? On apprend la comptabilité. Hein? On apprend à manifester. On apprend à se révolter. On apprend à digérer, puis à marcher ou pas. Et ça. Puis à un moment donné, c'est comme le FLQ, là. Hein? On est devant la façade, puis on dit oh, non. Puis à un moment donné, c'est qui va diriger? C'est les gens qui ont dit non, là. Ils vont avoir les grosses entreprises, ils vont être des cadres, là, puis on va les placer au mur. On va dire, hein, on te l'a dit que t'allais diriger un jour dans ta vie, puis t'as pris le dessus. T'es corrompu. Là, tu te descends du cadre, le cadre, là, parce que sinon, ses pieds touchent plus à terre. Puis l'oxygène, comme la montgolfière, ça monte, puis ça redescend plus, ça, là. Hey, c'est devant les médias. Plus tu places ça devant les médias, là, plus ça monte. Oh, mon Dieu, descends, champion, descends. T'es où, si tu descends pas ce soir, on ne pourra plus te voir. T'es où, tu es où, c'est pas tu es où, ouais, on le sait, tu es où, dans le ciel, plus nuageux qu'il soit. Et on ne te voit pas. Tu pètes le ballon. Puis là, ça descend. Puis là, ça n'a pas de frein, celle-là. C'est fier, ça. Puis là, ils vont tomber sur les pieds. Et quand ils vont tomber, le mal de dos. Ils vont être hospitalisés. Ça va nous coûter des... Ça va nous coûter. Coûte que coûte, ça va nous... C'est très cher, celle-là. L'hospitalisation, là, c'est au moins 25 ans minimum. C'est pas de la prison, là. Ben, quoi que. Quand t'es privé de santé, c'est comme une prison, là. T'es comme un scaphandre. Ils s'en disent-tu des affaires tristes ici, là? À travers l'humour, à travers toute la frénésie. Hein? Comment t'appelles ça? Ben oui, c'est ça. C'est la décadence. La décadence. Ben oui, la décadence des mots. L'extravagance. Et l'absurdité. We'll be right back. squelette, okay. Parce que tu peux pas partir en live non. tout le temps, sinon c'est un bordel. Non, mais une chanson peut durer avec toi 6 minutes, autant ah, oui. qu'elle peut durer 3 minutes. Ah, ouais. Exactement. Ça dépend de l'inspiration. Et puis ça dépend des gens et de leur accueil. Ouais. Parce que tu peux aller les chercher et à un moment donné, ils sont tous dans leur coquille, des fois, ils n'ont ouais. pas envie. Okay, ouais. Donc bah, tu continues pas, tu dis bon, bah, là ce soir c'est calme. Voilà. Puis des, y a fois, rien à faire, des fois tu plaques un accord, c'est bah, ouais. tu dis oulala, là, ça va, on va y aller, là, on va envoyer la purée. Donc, et là c'est bon quoi, quand c'est comme ça, c'est tellement bon quoi. C'est, parce que là c'est d'un seul coup c'est interactif. C'est-à-dire que le moindre truc que tu fais, t'as une réaction, ça part. Autant le concert peut être structuré comme vous l'avez préparé en studio, autant que ça peut s'envoler, ça dépend du public. Exactement. Ça, c'est primordial pour moi. Et quand je vais voir les gens que j'aime vraiment sur scène, quand je vais voir Southside Johnny, quand je vais voir Ricky Lee Jones, quand je vais voir Springsteen, quand je vais voir les gens comme ça, ou Dr. John et tout ça, tu sens ça. Tu sens qu'il y a pas truc de liberté. C'est pour ça que je disais liberté tout à l'heure, parce que c'est d'être libre dans ta musique, de dire, putain, t'es pas ok, il ouais, y a un couplet, un refrain, ça, tout ça, c'est la trame, c'est le squelette. Mais un solo, moi, quand je vais voir des artistes de variété la plupart du temps, tu sais, les musiciens, ils ont 8 mesures pour chorusser. Ouais. Et puis, il faut que ça soit le chorus qu'il y avait sur l'album. Parce que sinon, tu te rends compte, les gens pourraient ne pas reconnaître la chanson. Je dis, oh, c'est incroyable. Mais quelle tristesse, quoi, quelle tristesse. Et comment on peut être figé comme ça dans le temps et dans le... Toi, qu'est-ce que au c'est contraire, en c'est on y va, on est prêt. Moi, c'est plus rock'n'roll dans l'esprit et il faut que ça joue. C'est l'essence même du truc. C'est pour ça que j'aime tellement être sur scène. Parce que c'est jamais pareil. Si c'est là que les chansons vivent. C'est là que tu vis toi aussi. Parce que c'est un nouveau challenge tous les jours. Quoi. C'est un nouveau truc. Quoi. Tu vois, tu vas pas sur scène en disant c'est acquis. C'est un spectacle vivant. Ouais. Donc moi, c'est pas... Les gens, il faut aller les chercher. Hein. Ils attendent pas après toi. Non. Puis il y a tellement de spectacles qui se présentent. Oui, voilà, tu vois. Alors peut-être que quand tu arrives à vendre des millions et des millions d'albums, peut-être que tu as cette sécurité d'arriver sur scène, les gens, tu sais, sont qu'ils déjà sont vendus, là pour toi. Sont déjà vendus, ouais. Mais la plupart du temps, moi, quand je monte sur scène, il y a une poignée de fidèles qui suivent, il y aura un petit noyau qui commence à connaître les chansons, à les chanter, ça c'est touchant aussi. Ouais. Tu vois ça, tu dis, oh, c'est intéressant. C'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est un truc... Ouais. non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pas celle-là, hein. Ok, on arrête. De chez moi, il m'attendait, il était là, il souriait sur le pavé, mon Dieu qu'il était dépravé. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Atelier d'improvisation, attention, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. On l'a pas placé. On l'a pas placé qui? Ben, la personne revisitée. Ben, est-ce qu'on peut la visiter ce matin? Allô? Oui. C'est pas le matin, là. C'est la nuit. Est-ce qu'on peut la visiter? Allô? Oui, madame, êtes-vous là? Non. Madame, êtes-vous là? Non. Oh. Alors, on peut pas frapper à votre porte? Non. Est-ce qu'il y a une porte? Non. Non, il y a pas. Elle est décalée? Ben oui, elle est décalée, juste en arrière. Ah, oh, dans le buisson. Non, derrière la porte. Est-ce qu'il y a une porte? Non. Bon. Y a-t-il une dame? Non. Bon. Avez-vous peur? Non. J'aime ça, moi. Elle ne craint rien. Vous êtes une brave? Non. Non. Vous êtes une chouette? Non. Non. Vous êtes une oui? Non. Non, une oui, les jeux, oui. Oui, oui. Vous savez, ça fait oui, oui, oui, oui. Êtes-vous dans le oui? Non. Bon, elle est dans le non. Votre nom? Non. OK. Votre prénom? Non. C'est bien ça quand elle signe non, non. C'est très positif. Votre compte est positif? Non. OK. Êtes-vous zéro positif? Non. Bon, excellent aussi. Vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Oh, elle répond pas. Elle les compte. Vous êtes en train de les compter? Non. OK. Ça veut dire que vous en avez? Non. Elle n'a pas d'enfants. Écoutez-vous la radio? Non. Avez-vous une radio? Non. Ça, c'est quand même bien faire des entretiens avec des gens qui sont... Vous êtes dans le oui, vous? Non. OK. Faites-vous partie de la populace? Non. Oh, vous êtes une sauvage, jeune. Attends, j'ai pas fini. Croyez-vous que j'ai terminé? Non. Bon, êtes-vous une sauvage, jeune? Non. Oh. Vous êtes une cultivée? Non. Vous cherchez votre œil magique? Non. Vous reculez dans le destin? Non. Vous êtes une pleine d'images à l'intérieur de votre cervelet? Non. Voulez-vous qu'on arrête la discussion? Non. Ah, oh, vous êtes une femme seule, hein? Non. Ben non, mais là, vous êtes pas seule, on est là, hein? Non. Comment ça, on n'est pas là? Attendez, là, je commence à avoir peur. Sommes-nous là? Non, nous sommes somnolents. Nous sommes somnolents. Somnolents, soyons donc. C'est la belle de fou. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous compris? Non. Ben non, elle comprend. Mais, croyez-vous, madame, avez-vous cru qu'elle ne peut pas nous dire non? Ben oui, elle nous dit non. Elle ne peut pas nous dire oui. Pouvez-vous nous dire oui? Non. Bon. Vous nous aimez pas? Non. Bon. Croyez-vous à votre prochain? Oh, attendez, elle réfléchit. Hein? Sentez-vous, regardez la lumière rouge-bleue, c'est comme un modem, hein? Avez-vous des modems? Non. Ah, OK. Au pluriel. Avez-vous un modem? Non. Avez-vous un modèle de modem? Non. Le technicien n'est pas passé chez vous, hein? Non. Êtes-vous branché par en arrière? Parce que c'est non. Le câble. OK, mais non, le câble, c'est en arrière, hein? Non. Mais comment ça? Non. Connaissez-vous ça, le câble? Non. Ben pourquoi vous me dites que le câble n'est pas en arrière? Le câble n'a jamais été en avant. Si tu vois le fil, l'intérêt du film est coupé, là. Tu vas voir un cordage. Ça fonctionne avec des fils, le câble, madame. Non. Ben non. Regarde-moi, c'est une insignifiante en plus. Madame, comment ça va? On a... Excusez-moi, là. Je commence à monter dans mes grands chevaux. Non. Non, c'est vrai, j'ai pas de chevaux. Savez-vous pourquoi, madame? Non. Non, parce que ça mange du foin. Puis je le garde pour moi, mon foin. Je mange mon propre foin, madame, moi. Quand je me fais de la nourriture, c'est moi qui le mange, moi. Quand je me fais des... Hein? Quand je me le fais, c'est moi qui... Hein? Alors, je suis mon propre maître. Vous? Non. Non. Alors, ben, vous êtes une maîtresse. Non. OK, madame, là, c'est terminé. On passe à de la musique? Non. Non. Aimez-vous notre émission? Non. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein? Comme disait l'hippopotame, on n'en fait plus le tour. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. J'espère que ça a été la même chose de votre côté. Non. Ben oui, on s'attendait pas à quelque chose de plus intelligent. Hein? Oui. Le jour où on trouvera ça intelligent, on va trouver ça étrange. Hein? On risque d'être dans l'étrange sensation d'approuver votre raisonnement. Le jour... Hey, attends. Ouais, comment ça, il y a eu... ben oui, la boîte vocale était là. Était là. Il y a un conflit entre intelligence et puis l'enregistrement. Est-ce qu'on peut revenir? With goodbye, 'cause there she goes. Par exemple, il y a un monsieur qui a débarqué dans les bureaux de UCS l'autre jour en disant « Je suis un admirateur, je veux voir Sofaille ». Quand on m'a raconté ça, j'étais mort de rire. J'ai dit « J'en ai un, ouais, j'en ai au moins un !» J'ai dit « Il en faudrait quelques milliers de plus ouais, !» Histoire à peine, de dire. À peine, c'est ça. Quand on se le dit. Non, mais c'était rigolo. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Rien, il a débarqué donc dans les bureaux qui sont finalement un appartement, ouais. C'est les bureaux du CS de la production, mais on lui a dit mais elle habite pas là. Ok, ouais, c'est ça. C'est juste un bureau quoi. Ouais. Et, il a envoyé des fleurs, des machins, etc. Oh. Enfin, c'est marrant quoi, c'est rigolo. Ouais. Hein. Alors, d'autres personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont fait des petits cadeaux, j'ai eu une petite guitare en pendentif. C'est mignon quoi, c'est super touchant et. C'est toujours très respectueux, c'est pas le truc chiant. C'est pas décalé. Non, ça me va bien quoi. C'est des gens avec qui je parle à la fin des concerts qui viennent de plus en plus et avec qui je partage un petit moment parce que je trouve que c'est important aussi. Alors peut-être qu'à bout d'un moment, quand t'es un artiste reconnu, tu n'as plus le temps de faire ça et puis tu peux plus le faire, mais j'en suis pas là. Et à chaque fois, c'est un plaisir que de passer. Tu vois, tu vends tes CD, t'es derrière ton stand, et t'as une poignée de gens qui sont là, t'as ceux les nouveaux. Et ton crayon feutre pour signer. Et voilà, et puis tu papotes, et puis t'as celui qui t'est venu la fois d'avant qui te ramène les photos que tu signes, et que machin. C'est super touchant, quoi. Ouais, tu dis, attends, ils sont pas obligés. Hein, non, puis il y a tellement d'artistes, comme je te le disais tout à l'heure. Voilà, donc, puis il y en a plein qui en ont rien à foutre non, aussi. C'est donc, vrai. C'est vrai. Donc tu dis, bon, c'est plutôt bien. Moi, je. Alors Sophie, on souhaite de se voir à Québec pour un spectacle, au Québec. Faut que tu bosses maintenant. Bah là, moi écoute, je dis feu, que tu sois mais au taquet, oui, comme mais on oui, dit. Mais c'est. Ça se dit là-bas. Oui, mais grâce à Internet aussi, grâce aux tourneurs, grâce aux gens aussi France-Québec. Hein, il y a beaucoup de concerts de jeunes qui sont de nouveaux créateurs qui s'en vont au Québec et vice-versa. Donc il y a des échanges. Des échanges culturels comme ça. Culturels, oui, c'est ça. Donc à souhaiter. Un jour de voir ton spectacle et de pouvoir apprécier ton talent. Mais là, pour le moment, idée. Ben c'est sur le CD. C'est sur le CD, ouais. Que tu revendiques et que tu adores. Ah oui, cet album, je le revendique, ça c'est sûr. Noise when I was times I'm tough now. Am I strong enough? Is it the life I'm looking for? At night I'm dreaming I can climb highest mountains. It gives me wings, but I wake up with ball and chains. Is it the life I'm looking for? My soul's getting drier and drier. I can't fake anymore. Is it the life I'm looking for? Can you hear the call of freedom? Listen to the whirlwind blowing. All I hear is the sound of wisdom. I can feel and breathe in. Give me a shout, a whisper. It gently wipes sadness and fears. I'm still crying. Je commence à travailler sur d'autres choses parce que pour moi c'est déjà le passé, ben là, c'est sorti au mois de décembre. Ben, il est accouché, c'est un enfant qui est déjà accouché dans le travail. Voilà. Il grandit, il fait sa petite histoire, il fait son truc, je le défends parce que je l'aime. Parce qu'il faut le défendre. Oui. Oui, non, mais parce que. Non, l'autre je ne l'ai pas défendu. Non, mais lui il faut donc, le vendre. Mais donc, lui, j'en suis fier. Voilà, ça ne veut pas dire que le prochain il sera, j'espère, encore mieux et sûrement dépouillé encore de petites choses qui sont peut-être un peu trop lourdes là. Est-ce que tu crois qu'éventuellement tu vas faire un spectacle en concert? Un disque en concert? Je sais pas. Je suis pas très fan des lives, de manière générale. Autant j'aime aller voir des concerts. Okay. Autant écouter les concerts. J'ai un peu plus de mal, à quelques exceptions près, mais. Ouais, j'ai un peu plus de mal. Je trouve que c'est un instant, un concert. C'est un truc que je ne peux pas revivre. Non, mais quelqu'un qui veut entendre ce qu'il a vu sur scène, c'est... Ouais, mais il faudrait presque faire... Amener son magnéto. Mais tu sais, il y avait un truc de comme ça, de repartir avec une clé USB. Oui, c'est fait. Et Pop l'a fait, voilà. Metallica. Et ben ça, tu vois, par exemple, ça, je trouve ça bien, parce que t'as le concert que t'as vu, tu l'as. Oui. Illico. Voilà. Tu revis ton truc à toi et ouais, ton, c'est ça. Ton machin. Et le son est extraordinaire. Le live de la tournée du concert que t'as vu, okay, tu dis, bon, à moins de tomber juste le jour où ça a été enregistré, et généralement, c'est jamais le jour, parce qu'il y a 22 jours d'enregistrement sur les gros trucs. Ouais, c'est ça. Ils te disent enregistrer tel jour à telle heure. Donc c'est manigancé. Ouais. Mais la plupart du temps, tu sais on que... On tricote, ouais, c'est on ça. On prend le meilleur moment de c'est celui-là, ça. Qu'on monte cette chanson-là était meilleure, l'autre était moins bonne. Ouais. Alors, écoute, il faut se voir à Québec. Ouais, avec plaisir. Ben, c'est un plaisir et éventuellement, j'irai t'applaudir, ce soir. J'ai intérêt. Ben, oui, et sinon... demain. Et demain, oui, dans l'avion. Alors, comme on dit chez nous, à la revoyure. À la revoyure, ça se dit aussi, ça. Oui, mais c'est oublié, tandis qu'à chaque fois que je le dis c'est vrai? Ici... Ouais, c'est comme un... Ah, à la revoyure, oui. À tantôt, ça c'est à tantôt, belge. Oui, tantôt, oui. Oui, mais on le dit, nous aussi, on a un côté belge. À plus, ouais, ça c'est plutôt... Mais ça, c'est très impersonnel. À bientôt. Sur Internet, c'est à plus... À tellement tout de suite. À tellement tout de suite. Voilà. Mais salut, Sophie. À la prochaine. Ciao, ciao. Au québécois. Ben oui, voilà, salut. Et merci. Ça fait plaisir. What is right? What is wrong? It doesn't really matter. I do what I wanna do. I think what I wanna think. I'm taking life as a joke. I live it up even when I'm broke. I just wanna feel upside down. I pull the reins on my face. I'm a clown. I just wanna feel upside down. Got my head in the clouds. I'm a buffoon. I'm nothing but a bum. Am I a loser? Am I a winner? It doesn't really matter. I bet what I wanna bet. Upside down, I pull the reins on my face. I'm a clown. I just wanna feel upside down. Got my head in the clouds. I'm a buffoon. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris,